Jazz Time, présenté par Gérard. Jazz Time, un rendez-vous avec Denis. Bonjour Denis. Bonjour Gérard. Merci, vous allez bien. Vous avez toujours une provision d'inédits, de prochaines publications. Oui, mais toutefois pour ma dernière collaboration de l'année 2017-2018, si on parle en année scolaire, je suis venu évidemment comme d'habitude avec un petit panier musical, mais vous pourrez trouver des nouveautés, on va dire printanières, puisque même si on est en été, les disques dont je vous propose d'écouter des extraits aujourd'hui ont été publiés en mars, avril, mai, juin. Bon, c'était important de revenir un peu sur quelques petites productions que je trouvais intéressantes et sur lesquelles on n'avait pas eu le temps de revenir, mais je ferai une exception avec un disque qui est signé d'un petit nouveau dont nous allons reparler, j'en doute pas un seul instant, puisqu'il s'agit de John Coltrane. Je plaisante, hein, évidemment. Encore que, enfin, voilà. L'album dont il est question voit le jour cette semaine, et on peut le considérer comme un petit trésor dans la mesure où il contient une session studio inédite du 6 mars 1963, dont un seul extrait était connu jusqu'à présent, si je ne me trompe pas. Alors, figurez-vous que la bande de cette session, la copie personnelle de John Coltrane, dormait depuis un bon bout de temps dans la famille de Naima, sa première femme, jusqu'au jour où Ravi Coltrane, fils de John et Alice Coltrane, est entré en sa possession. C'est lui qui a supervisé la parution de Both Directions at Once, The Lost Album, donc ça veut dire deux directions à la fois, l'album perdu, et qui voit le jour sur le label Impulse. Alors c'est un enregistrement extrêmement important. D'une part, en raison du fait qu'à cette époque, John Coltrane enregistrait très peu en studio, en 1963, et d'autre part parce que le saxophoniste était à la croisée des chemins. Il avait, alors comme dit son fils, un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Le passé, très présent hein, à cette époque, c'est celui de ce bop ou ce hard bop à travers lequel il s'accomplissait depuis le milieu des années 50, soit aux côtés de Miles Davis, soit en tant que leader. Et pour l'anecdote, il faut savoir que le lendemain de cette session du 6 mars 1963, Coltrane était à nouveau en studio pour l'enregistrement d'un disque très célèbre, très connu, celui qu'il avait réalisé avec le chanteur Johnny Hartman. Mais Coltrane avait déjà un pied dans l'avenir, alors celui d'une démarche spirituelle qui ressemblait un peu à une quête, hein, qui allait voir sa musique se déstructurer petit à petit, au point qu'on classe encore, à tort selon moi, John Coltrane comme un musicien de free jazz. Alors souvenons-nous par exemple de A Love Supreme qui a été enregistré en décembre 64 et de tout ce qui allait advenir ensuite comme Ascension en 1965 ou Home, terrifiant, presque terrifiant, jusqu'à l'explosion de son quartet dont certains membres comme McCoy Tyner ou Elvin Jones avaient du mal à suivre l'évolution. Voilà, mais pour l'heure, nous sommes le 6 mars 1963, le quartet est bien là et je vous propose d'écouter une composition qui n'a pas vraiment de titre puisqu'elle s'appelle Untitled Original, alors 11-383, enfin, ce sont des indexations de studio. John Coltrane est au saxophone soprano, McCoy Tyner au piano, Jimmy Garrison à la contrebasse et Elvin Jones à la batterie, extrait de Both Directions at Once qui paraît cette semaine chez Impulse, John Coltrane. Thank you. Quartet de John Coltrane, un enregistrement réalisé au cours d'une session de mars 1963, mais qui est seulement publié cette semaine, Denis, sur le label Impulse, en 2018. Ouais, 55 ans plus tard, il reste, si je ne me trompe pas, deux ou trois sessions studio de 1967 qui sont inédites et qu'on attendrait volontiers. Voilà, il y a une dizaine de morceaux qui n'ont jamais été publiés, qui sont, je crois, chez Ravi Coltrane. Voilà. Ben alors, est-ce que ce sont vraiment des inédits? Parce que quand on consulte la discographie de Coltrane, on trouve bien trace des sessions du 2 et du 6 mars, avec les titres des morceaux enregistrés, dont d'ailleurs 4 versions de ce que nous avons écouté. Alors, est-ce que c'est vraiment des inédits ou est-ce que c'est une opération commerciale? Non, il y a, à l'exception de Vilia, qui a été enregistrée ce jour-là et qu'on retrouve sur la réédition en digipack de Live at Birdland. Vous voyez, Live at Birdland était... couplé avec deux ou trois morceaux enregistrés en studio. Tous les autres sont des inédits. J'ai recherché dans les archives profondes d'un site consacré à John Coltrane où toutes les sessions, tout est recensé, ces morceaux-là. Alors, il y en a 7 principaux, dont 6 n'ont jamais été publiés. Et le disque va paraître sous la forme d'un double vinyle et d'un double CD. Le deuxième CD comportant les versions alternatives de morceaux. Mais par exemple, vous prenez One Up, One Down, qui se trouve sur cette session. Eh bien, on en connaît, c'est une version live, mais pas la version studio. Donc je crois que c'est vraiment c'est un disque important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, Coltrane n'a quasiment pas enregistré en 1963. Il a eu ses deux sessions du 6 et du 7 mars. On retrouve deux ou trois compositions en avril et en octobre ou novembre, et encore sur l'une des sessions Elvin Jones n'était pas là, c'était Roy Haynes, voyez. Donc c'est vraiment on va dire que c'est la seule session 1963 studio du quartet. Voilà, donc c'est important. Et je crois que tous les amoureux de Coltrane, dont je fais partie, se réjouissent de cette... on va parler d'exhumation. Voilà, c'est très bien. Alors, après ce grand musicien de jazz américain, on passe à un programme qui est pratiquement franco-français, puisque vous avez choisi, à la suite de John Coltrane, un album signé Yves Rousseau, qui est en fait une collaboration avec un grand poète d'origine chinoise, qui est François Cheng. Donc, c'est à la fois l'alliance de la musique et de la littérature. Voilà, Yves Rousseau, bon, je ne vais pas revenir sur le talent. Lui aussi est un grand musicien. Hein. Bon, on le connaît depuis une vingtaine d'années, hein. Notamment depuis la création de son quartet avec Jean-Marc Larcher, Régis Hubi et Christophe Marguet. Formation qui a enregistré 4 disques, dont le dernier, Akasha, je pense que vous en souvenez, Gérard, avait fait l'objet d'une présentation ici même. Donc il a fait plein d'autres choses, hein, notamment ce Wanderer Septet qu'on avait vu au Manu Jazz Club il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans. Et je veux pas oublier non plus le Spirit Dance Quintet qu'Yves Rousseau mène depuis quelques temps avec son complice Christophe Marguet. Mais cette fois, vous avez raison. Yves Rousseau va nous embarquer dans un univers acoustique et très poétique, puisqu'il a décidé de mettre en musique les mots du poète chinois naturalisé français François Cheng, qui est par ailleurs membre de l'Académie française depuis le début des années 2000. Et pour faire aboutir son nouveau projet, Yves Rousseau a constitué une équipe qui est constituée de Thomas Savy à la clarinette basse, Pierre Ricardi à la guitare, Kevin Chemirani aux percussions et Anne Le Goff au chant. Et il résulte de tout cela un climat d'une grande sérénité et d'une grande élégance, mais en quelque sorte c'est la marque de fabrique d'Yves Rousseau. Musique acoustique assez inclassable et finalement c'est tout ce que j'aime, en soit dit. J'aime bien quand on a du mal à classer les disques et les musiques. Alors avant d'écouter un extrait de ce disque qui est intitulé Murmure au pluriel et qui est publié chez Abalone, le label de Régis Hubi, j'aimerais citer une phrase d'André Walter dans sa préface du recueil de poèmes de François Cheng qui est intitulé À l'Orient de tout. Alors je le cite. François Cheng a souvent souligné quelle jubilation le saisissait au simple énoncé d'un vocable et comment, syllabe à syllabe, les sonorités libéraient alors le sens et tout un charroi de sensations et de réminiscences. Voilà. On écoute Yves Rousseau, extrait de son nouveau disque Murmure, dans un extrait intitulé « Ce sera par un jour d'automne ». Thank you. reviennent. Nous franchirons toutes les haies et nous traverserons la ville. Avant que sur la plaine brûlée, la voix d'Annie Le Goff interprétant sur des compositions de Yves Rousseau, des poèmes de François Schenk. Je vous donne le nom des musiciens du quintet. Donc bien sûr, Yves Rousseau contrebasse et composition, Annie Le Goff pour la voix, Pierre Ricardi, guitare, Thomas Savy clarinet de basse et Kevan Chemirami aux percussions. Je signale que la famille Chemirami, qui est une famille de musiciens, est au programme de la saison 2018-2019 de l'Arsenal. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Ah oui, voilà. Je pense que j'irai. Et le titre de l'album que nous a apporté Denis, c'est Murmure. Voilà. Et après l'univers poétique des murmures d'Yves Rousseau, on va maintenant passer à un autre, plus électrique, celui d'un jeune guitariste que j'ai découvert récemment, qui s'appelle Simon Martineau. Alors Simon Martineau, on le trouve notamment aux côtés du batteur Thomas Delors, dans le disque The Swaggerer, sortira au début de l'année prochaine. Et si je vous parle de Thomas Delors, c'est en pensant à vous, mon cher Gérard, parce que vous l'avez vu l'année dernière à la MJC des Forges dans le trio du pianiste Mathieu Roffet. Vous voyez, comme cette vie du jazz est faite d'interactions, pour ne pas dire d'imbrication. Mais bon, je ne vous apprends rien, j'en suis certain. Alors Simon Martineau est originaire des Pays de la Loire et vit à Paris depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et il a monté un quartet avec le saxophoniste Robin Niquez, qui partage le travail de composition avec lui. À leur côté, on trouve une très belle rythmique, composée de Blaise Chevalier à la contrebasse et Fred Pasqua à la batterie. Cette formation, d'ailleurs, a été lauréate du prix international d'orchestre jazz en 2017, alors sous la houlette de la Matmut. Vous voyez comment les mécènes se glissent pour nous vendre leurs petits produits. Voilà. Vous voyez, je vous dis tout. Alors, ce qui est remarquable dans ce premier disque du quartet, dont le titre est One, est-ce que le prochain s'appellera Tout, je ne sais pas, et bien c'est qu'il ne donne pas à entendre une musique démonstrative ou qui montrerait un excès de virtuosité. Il n'y a rien de tout ça. Simon Martineau et Robin Niquez ont élaboré une musique très construite, très concise, qui repose beaucoup sur les polyrythmies de Fred Pasqua et Blaise Chevalier, avec parfois ce que les musiciens appellent eux-mêmes un groove mécanique. Voilà, on va en avoir un bel exemple avec une composition très mélodique et chaloupée par sa rythmique impaire. Elle est signée Robin Nicaise et s'intitule Actual Game. On écoute le quartet de Simon Martineau et son disque One, paru au mois de mars sur le label We See Music. Thank you. l'album One de Simon Martineau en quartet, le thème choisi par Denis, Actual Game. Je vous donne le nom des musiciens, outre Simon Martineau, guitare. Et je trouve que le son de sa guitare peut penser à des claviers. Oui, et puis c'est, j'allais dire que c'est aussi un héritier de l'école new-yorkaise actuelle, hein, dans laquelle on pourrait citer. Donc Simon Martineau, auteur des compositions et également est à la guitare, Romani Cazzo, saxophone et aux compositions, Blaise Chevalier, contrebasse et Fred Pasqua à la batterie. C'est un album qui a pour titre One et qui est sorti il y a quelques mois. Oui, il est sorti à la mi-mars sur le label We See Music. Alors, je voudrais maintenant vous parler d'une chanteuse que peut-être vous allez découvrir, je ne sais pas, et qui a fait d'ailleurs la une de Citizen Jazz la semaine dernière, ce qui est très mérité. Elle s'appelle Camille Durand, mais comme elle trouve qu'il y a trop de Camille, elle a choisi de se faire connaître sous le nom d'Elinoa, un nom qui, selon elle, hein, je la cite, intrigue, fait rêver, cool et se faufile. Voilà. Alors Elinoa est chanteuse, mais aussi compositrice, orchestratrice, qui a créé le projet éponyme en sextet il y a environ 3 ans, et qui a également créé le Wanderlust Orchestra, formation qui réunit 14 musiciens où les cordes et les instruments avant occupent une place prépondérante. Alors avec ce disque paru le 6 avril chez Music Box, Elinoa propose 8 compositions auxquelles il faut ajouter 4 interludes qu'elle a composées et arrangées autour de 8 mots provenant de différents endroits du monde et qui sont intraduisibles dans d'autres langues. Alors on peut parler de jazz orchestral, ce qui nous rappelle qu'Elinoa avait eu l'occasion de travailler au sein du grand ensemble de Karine Bonnefoy et qu'elle est par ailleurs admiratrice d'une autre compositrice et chef d'orchestre que vous connaissez bien, c'est Maria Schneider. Alors il n'y a pas de paroles dans Wanderlust, Elinoa y est vocaliste et surtout le 10, c'est celui du chant des instruments, un quatuor à cordes, flûte, hautbois, saxophone, trombone, guitare, piano, contrebasse et batterie. Alors on va écouter une composition dont le titre Ixtuarpok provient de l'Inuit et désigne le sentiment d'impatience qui vous pousse à regarder par la fenêtre pour vérifier si quelqu'un arrive. Moi, je suis certain, Gérard, que vous avez déjà été gagné par l'Ixtuarpok en guettant le facteur qui devait vous livrer un disque de jazz. Ça, j'en ai pas le moindre doute. Alors, on écoute le Wanderlust Orchestra d'Elinoa. Sorry, I'm out. Une musique apparemment très écrite, Denis. Très, c'est oui. La musique composée par une vocaliste, Elinoa, elle chanteuse, compositrice, orchestratrice, vous l'avez dit. Et c'est pour nos auditeurs comme pour moi une grande découverte. L'orchestre a pour nom Wanderlust Orchestra. C'est une formation qui comprend à la fois des souffleurs et également beaucoup de cordes. À cordes voilà. Et l'interprétation. Alors, je vous laisserai donner le titre du morceau. Pourquoi parce que... Vous voulez pas vous y risquer? Bon, on va essayer. Allez, allez-y. Prenez votre souffle. C'est Xuarpok. Bon. Eh ben alors. Vous voyez, je savais que vous aviez déjà été gagné par l'Xuarpok. Ah oui. Et c'est du langage inuit. C'est ça, c'est ça. Bon, c'est... alors je sais au moins. Donc vous pouvez. Vous n'avez pas donné le sens aussi. Si, si, je vous l'ai dit, c'est l'impatience qui nous gagne quand on attend quelqu'un et qu'on le... ou quelque chose et qu'on regarde par la fenêtre. Mais alors, dans ce langage, un mot a, voilà. a une signification qui est une longue phrase. Et c'est le fil rouge de ce disque, c'est que chaque composition porte le nom d'un mot qui est intraduisible en tant que tel en français. Voilà, je trouve que c'est assez amusant. Belle démarche. Voilà. Alors, on ne va pas quitter vraiment Elinoa, puisqu'elle figure au générique... elle figure au générique de Theorem of Joy, le théorème de la joie, un disque du contrebassiste Thomas Julien qui signe toutes les musiques. Elinoa se chargeant de son côté des paroles. Alors, Theorem of Joy... Est-ce le titre du disque? Est-ce le nom du groupe? Allez savoir. Enfin, on est en présence d'un quintet, puisqu'aux côtés de Thomas Julien et d'Elinoa, on trouve Boris Lameron au violon et à l'alto, Thomas Saint-Laurent à la guitare et Tom Pérou aux percussions. Ça fait beaucoup de Tom et de Thomas, là. Précisons que certaines compositions bénéficient de la présence d'invités, que sont les Enfants d'Icare, le septet de Boris Lameron, enfin, qui est à un quatuor à cordes augmenté, on va dire. Et alors, je vous dis quand même quelques mots au sujet de Thomas Julien. Au départ, c'est un autodidacte qui est titulaire d'un master en sociologie et qui est ensuite entré au Conservatoire de Bordeaux pour suivre un cursus double, jazz et classique. Alors, il se dit influencé aussi bien par Charles Mingus que Lili Boulanger ou Björk. Alors, ceci pour vous donner une idée de son ouverture d'esprit et de la variété de ses inspirations. Alors, Theorem of Joy, c'est le résultat, comme chez Elinoa, d'un long travail d'écriture. On pourrait le qualifier de projet onirique et le considérer comme une œuvre de brassage des cultures entre jazz, pop, rock, musique classique, musique du monde. Enfin, c'est l'idée d'une musique qui serait vivante et sans frontières, pas si éloignée de ce qu'on appelait autrefois le rock progressif. Voilà, ce qui n'est pas pour me déplaire d'ailleurs, bien au contraire. Alors j'ai choisi la composition intitulée « Hope to see you », ce qu'on pourrait traduire par « j'espère te voir », « vous voir », sauf qu'ici le mot « see » signifie « la mer », et non le verbe voir, donc c'est un vilain jeu de mots, décidément. Et quand Elinoa est là, la traduction est toujours compliquée, hein, vous avez remarqué. Alors on écoute Theorem of Joy sous la houlette du contrebassiste Thomas Julien. nous avons retrouvé la voix de Elinora, mais dans un projet différent de celui qu'elle nous proposait précédemment. C'est un projet réalisé par Thomas Julien, contrebassiste et auteur des compositions, au sein d'un quartet. Le thème est c'est Hope to See You, avec un jeu de mots sur le mot si. Et le titre de l'album, c'est Theorem of Joy. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, c'est après une grande formation, un quintet, ah oui. Alors là, on rétrécit. On restreint et on arrive à un duo. Un très beau duo, composé de Rémi Godilla à la trompette ou au bugle et de Jean-Philippe Viré à la contrebasse. Alors, on connaît le premier ici, puisqu'on a eu souvent l'occasion de l'écouter, hein, à travers ses collaborations avec Bruno Tecan notamment, mais aussi par sa participation au magnifique, vraiment je pèse mes mots, possible quartet, qui, alors je dis ça en passant, publiera à la rentrée un étonnant Songs from Bowie, disque qui consiste en une dizaine de reprises de chansons de David Bowie et sur lequel je finis de plancher, les musiciens m'ayant demandé d'écrire un petit texte destiné à figurer sur la pochette du disque. Et par ailleurs, Rémi Godilla était cette semaine à l'affiche du Festival Jazzpot, puisqu'il jouait au sein du projet Six Songes de Bruno Tecan, dont la musique est inspirée, elle, par celle de Robert Wyatt. Voilà. Et son partenaire dans ce disque, bah, c'est le contrebassiste Jean-Philippe Viré, que nous avons d'ailleurs écouté lors de ma dernière visite, puisque le contrebassiste fait partie du trio d'Emmanuel Borghi. Alors Jean-Philippe Viré, aussi à l'aise dans le jazz que dans une expression plus baroque, comme en témoignent Les Idées Heureuses, disque qu'il avait publié l'an passé avec son quatuor à cordes, ou bien encore par sa participation à un autre trio avec Édouard Ferlet au piano et Fabrice Moreau à la batterie. Jean-Philippe Viré est également partie prenante de l'African Jazz Roots de Simon Goubert et Ablaï Sissoko, formation dans laquelle il a succédé au regretté Jean-Jacques Avenel. Alors Gérard, vous avez compris là qu'on tient une paire de hautes volées et c'est vraiment une belle conversation qui se joue devant nous. C'est un dialogue intime et on est comme invité à s'y immiscer. Et voilà, le disque s'appelle D'une aube à l'autre. Très beau titre, qui pourrait être celui d'un roman ou même d'un recueil de poèmes, je trouve. Le disque publié sur le label IMR, sur lequel veille Bruno Tecan, dont on vient de parler à deux reprises. Voilà, toutes les compositions sont signées Rémi Godilla, et nous allons écouter celle qui s'intitule Araucaria. Pour information, l'araucaria est un arbre qu'on connaît également sous le nom de pin du Chili. Voilà, on écoute Rémi Godilla et Jean-Philippe Viré. Thank you. Le duo de musiciens qui se connaissent bien apparemment, Rémi Goulillat, trompette et bugle, et Jean-Philippe Viré, contrebasse. Là, je pense qu'il était à l'Archer. Absolument. Et puis, pas rien vous cacher. Hein. Il fait à la fois, il dialogue et il donne également le tempo. C'est lui la rythmique. Oui, oui, en c'est fait. Vraiment la rythmique là. Voilà, dans ce tout à fait. Donc, très beau thème qu'on pourrait presque penser tiré d'une musique de film. Alors, le titre de l'album de Denis Duno-Balaudre et le morceau que vous aviez choisi, c'est Araucaria. Donc, je rappelle le duo Rémi Goudia, Jean-Philippe Viré. Et nous passons donc à l'album d'un musicien qui fait partie de l'ONG d'Olivier Benoît. D'ailleurs, beaucoup de musiciens de cet orchestre ont une vie autonome dehors de l'orchestre et ont publié les albums. Oui, c'est étonnant. Hein, depuis 4 ans, 2014, date de la mise en service de l'ONG d'Olivier Benoît, je crois qu'il y a 8 ou 9 disques qui sont sortis sous le nom des membres de l'ONG. C'est remarquable. Et ils viennent s'ajouter aux 5 disques de l'ONG lui-même. Voilà, hein, j'étais samedi avec Olivier Benoît, on a pris le temps de parler un peu. Donc pour lui, là, c'est une histoire qui va se terminer puisque son mandat expire à la fin de l'année et qu'on connaîtra bientôt son successeur. Mais quelle densité, quel bel orchestre que Olivier Benoît a su mettre en œuvre. C'est vraiment un des temps forts de l'histoire de l'ONG depuis plus de 30 ans. Voilà. Alors, faudra nous expliquer le titre de Rivers, Rivers. Alors, oui. Il y a quand même une explication à la fois technique et musicale. Oui, on va dire presque plutôt musical. Je vous avais présenté il y a 2 ans donc le 3e disque du quartet Chute de Fabrice Martinez qui s'appelait Rebirth, en anglais La Renaissance. C'était un disque électrique qui était propulsé par la basse électrique elle-même de Bruno Chevillon, la batterie d'Éric Échampard et les claviers de Fred Escoffier. Alors, formation très puissante, et si vous m'autorisez cette façon de dire les choses, les esprits du Miles Davis électrique ou de Robert Fripp de King Crimson planaient vraiment sur cette musique qui semblait sortie en droite ligne des années 70. Or, voilà que Fabrice Martinez et ses musiciens remettent Rebirth sur le métier pour en donner une version acoustique qui est intitulée Reverse. En anglais, ça signifie en sens inverse. Donc c'est une renaissance en sens inverse. C'est un nouveau disque qui sort sous la forme d'un double 33 tours sur lequel chaque titre est décliné dans ces deux versions, chacune trouvant place sur l'un des deux disques. Alors, Rebirth avait été enregistré au studio Ferber. Il a été remasterisé pour être mieux adapté au vinyle et profiter de sa chaleur naturelle. Tandis que Reverse a été enregistré dans une chapelle pour bénéficier de la réverbération naturelle du lieu. Et dans cette lecture, alors là, plutôt que l'énergie, c'est le travail sur les timbres des instruments qui est privilégié. Reverse devient un disque aérien d'une incontestable beauté formelle et qui vient nous rappeler toutes les qualités et la polymorphie du son de Fabrice Martinez. Alors Reverse, c'est mon coup de cœur du mois, ou plutôt du mois dernier, car ce double 33 tours est sorti le 25 mai sur ONG Records. Alors on va découvrir une composition intitulée « Devant la colline ». Pour l'anecdote, je vous signale que sa version électrique s'appelait Derrière la colline. Finalement, on comprend que cette double approche est une sorte de jeu de clair-obscur, d'ombre et de lumière. C'est vraiment, vraiment très beau. On écoute Fabrice Martinez et son quartet Chute. Thank you. Alors Denis, vous nous aviez proposé ce duo assez rare avec un musicien de l'ONG, Fabrice Martinez. C'est même plus qu'un duo, hein. c'est un quartet. Hein. Et c'est un album qui vient de sortir. Voilà, qui sort sous la forme d'un double 33 tours appelé Rebirth Reverse sur ONG Records, comme vous l'avez dit. Voilà. À l'occasion du festival Bach qui a lieu ces jours-ci à la cathédrale de Toul, ce sera le dimanche 8 juillet à partir de 16h, l'organiste Rhoda Scott que nous écoutons en ce moment et qui pratique l'orgamon sera en duo d'orgue en compagnie de l'organiste et organisateur du festival Pascal Vigneron. Une confrontation, un échange entre deux musiciens, deux styles, deux instruments dont la pratique est également très différente mais qui devraient mettre en œuvre en commun leurs talents sur un programme que nous aurons à découvrir. Alors, on peut rappeler que Rhoda Scott est d'origine américaine. Elle est arrivée à Paris pour approfondir ses études musicales alors que se déroulaient les événements de mai 68. Et puis très vite, Rhoda Scott a su s'intégrer au milieu du jazz, retrouvant aussi des musiciens américains qui avaient choisi la France, comme par exemple le batteur Kenny Clarke. Aujourd'hui, après avoir enregistré de nombreux albums, Rhoda Scott anime le Lady Quartet, un groupe 100% féminin avec Sophie Allour, Sonia Cadbero au saxophone, la percussionniste Julie Souris. A noter d'ailleurs que Rhoda Scott et son Lady Quartet seront programmés à NJP 2018 en concert à la Manufacture le 18 octobre prochain. On en reparlera, mais dès maintenant, donc le dimanche 8 juillet à partir de 16h à la cathédrale de Toul, eh bien le duo orgue d'église et orgamon entre Rhoda Scott et Pascal Vigneron. C'est donc Rhoda Scott qui nous accompagne pour la fin de ce numéro de Jazz Time. Un grand merci à Denis qui est venu les bras chargés de nouveautés, de disques à paraître. Alors je pense qu'il reviendra aussi parce qu'il en a énormément à nous proposer. Si vous m'invitez, je reviens, c'est promis. L'invitation est confirmée. Voilà. Merci à Quentin qui était aux manettes pour ce numéro de Jazz Time. Quant à moi, je vous retrouve dans une semaine pour d'autres rendez-vous avec le jazz. Au revoir. Au revoir.